Hey chérie, je vais te demander s'il te plaît. T'as pas d'argent à me prêter? Putain, mais je t'ai dit, je suis à sec. Vas-y, arrête, putain, j'en ai grave besoin là. Bon, vas-y, mais franchement, c'est la dernière fois. Merci, appelle-moi plus tard. Il me faut le magot, donc j'escroque ma go. J'ai plus rien à perdre, j'ai plus de maison. J'ai plus rien à perdre, j'ai plus la raison. Poursuivi par les flics, pour une histoire de fric. Faut que j'appelle ma clique avant que les keufs rappliquent. Mais j'ai pas de chat, au moment où je me casse. V'là les sales poulets, en train d'enquêter sur un casse. Bonjour monsieur, contrôle d'identité. Vous n'avez rien de dangereux sur vous? Non, j'ai rien du tout. On va procéder à une fouille. Moi tu me touches pas, genre mon push-car. Je les braque, je les bute, je les laisse sur le trottoir comme des putes. La vie coûte cher, ok. Je prends mon 4-4 Cherokee pour voir mon sauce P4 pour filocher un bourgeois. Une fois que ce dernier est pris, je lui dis passe-moi le fric. Mais j'ai pas de thune. Moi je te dis que t'as tort, alors écrase-toi. Je suis un dictateur et je vais te faire ta fête avec une balle dans la tête. Pendant que je sors mon arme, voilà que mon téléphone sonne. Allô? Moi je te crois pas, t'approches pas de moi, recule de droit pas. Les seules femmes de mon cœur, c'est ma mère et la maille. Alors pars-toi, j'ai un bar à braquer, un enfoiré à buter. Nous sommes les frères à passe, donc laisse ta place. Qui que tu sois, quoi que tu fasses. Faut que tu baies, faut que tu craches. Impossible que t'en réchappes, nous sommes les frères Chirac. Tout, on veut ton fric, et même ton cash. T'appelles les flics, et nous on se cache. Faut que tu paies, faut que tu craches. Pas possible que t'en réchappes, nous sommes les frères qui rappent tout. Mes fidèles, vos oreilles sont-elles prêtes à accueillir la vérité secrète du grand prêtre par état? Avec 5 barres que j'ai couillé à l'état. J'ai monté en 5-7, ma PME, ma secte. La plus sélecte de la planète, on accepte que les gens les plus célèbres célèbrent moi. Suis mes lèvres, sois mon élève. Ton esprit j'élève, comme mon compte à Genève. Je suis l'éternelle jeunesse, la genèse. En gros, j'en impose trop, j'suis un imposteur. J'en vends des livres et des posters de moi. Prosterne-toi, mon affaire prospère, c'est pépère, tu vois. Seulement voilà, ça fait 10 mois qu'en face de chez moi, y'a de la concurrence qui s'est installée. Moi je suis un conquérant, ça fait autant de mailles en moins qui rentrent. Donc je veux les voir détaler. J'ai une idée, mon fils, approche, je suis comme ton père, ou comme ton père. Ces chiens purs, il faut que t'enterres. Prends cette bombe et cet hélicoptère. Creuse-leur une tombe et envoie-les en enfer. Ne vous inquiétez pas maître, vous ne serez pas déçus. Et le pire c'est que ce petit con il va le faire. Nous sommes les frères à passe, donc laisse ta place. Qui que tu sois, quoi que tu fasses. Faut que tu paies, faut que tu craches. Pas possible que t'en réchappes, nous sommes les frères Chirac. Tout, on veut ton fric. Et même ton cash, t'appelles les flics, et nous on se cache. Faut que tu paies, faut que tu craches, pas possible que t'en réchappes, nous sommes les frères qui rappent. Tout. Un soir je rencontre 2-3 couillons qui me faisaient confiance, que je pouvais mettre sur un plan, car ils n'avaient pas de conscience. Je leur parle de braquage, qu'ils s'imaginaient déjà avec de la monnaie remplie dans leur bagage. Le jour de l'opération, enfin, on arrive dans l'agglomération. Je suis prêt pour ma rémunération, dans ma camionnette, avec ses marionnettes. On va voler tout le fric, même si c'est malhonnête. Je m'occupe du volant, ouais. Car vous êtes trop lent, ouais. Mettez vos collants, ouais. Espèce d'insolent, ouais. Je leur dis allez-y sans moi, on aura du mal à trois. De toute façon je vais pas m'afficher avec ces maladroits. C'est 5 minutes chrono, surtout faut pas tarder, ouais. Prenez vos tarpés, ouais. Faites pas les tarter, ouais. Et pendant qu'ils y vont, j'appelle quelques gars de ma clique qui aussitôt rappliquent, déguisés en flic. Sans confusion, les accueille à la sortie et s'emparent du flic. En conclusion, pour finir cette histoire, on les a carottés. Laissés en chien sur le trottoir en train de poireauter. Nous sommes les frères à passe, donc laisse ta place. Qui que tu sois, quoi que tu fasses. Faut que tu paies, faut que tu craches. Pas possible que t'en réchappes, nous sommes les frères Chirac. Tout, on veut ton fric, et même ton cash. T'appelles les flics, et nous on se cache. Faut que tu paies, faut que tu craches. Pas possible que t'en réchappes, nous sommes les frères Chirac. Tout.